4 travail, 6 jours dans la semaine, 3 jours pour moins, 3 jours pour dodo moins. Papi rivé, béqué, pas payé moins. 3 points en poignard pour les poignards des moins. Grand, mais grand, grand la divinité, grand. Grand la divinité, grand. On doit rester ici au prochain numéro. Toute la rivière qui a tombé dans la mer, toute la rivière qui a tombé dans la mer. La rivière qui a tombé dans la mer, la rivière la capote qui a monté mon balai. Grand, mais grand, grand la divinité, grand, grand la divinité, grand, on va rester ici au prochain numéro. Voilà pourquoi moi pas qu'à manger farine, voilà pourquoi moi pas qu'à manger farine, voilà pourquoi moi pas qu'à manger farine, si négresse la pelletier qui a pissé dans mon manioc. Grand, mais grand, grand la divinité, grand, grand la divinité, grand, on doit rester ici au prochain numéro. Ouraille moins belle, mais moins, ouraille moins, ouraille moins belle, mais moins, ouraille moins, ouraille moins belle, mais moins, ouraille moins, tellement ouraille moins, ouraille descend dans moins. Grand, mais grand, grand la divinité, grand. La divinité, grand, on doit rester ici au prochain numéro. Réjouis-toi, bonne mal parlant, réjouis-toi. Réjouis-toi, bonne mal parlant, réjouis-toi. Réjouis-toi, bonne mal parlant, réjouis-toi. Tant jour, longtemps, longtemps, mon Dieu, qu'aille venger moins. Moins t'es écrit au ministre de la France. Voyez pas moins en défumoir en or. Voyez pas moins en bassine en argent. Pour moins peu clarifier sentiment, doudou moins. Grand, mais grand, grand la divinité, grand, grand la divinité, grand, on doit rester ici au prochain numéro. Grand, mais grand, grand la divinité.